la connaissance de l'involution, qu'elle soit religieuse, spirituelle, occulte, ésotérique, politique, idéologique, quoi que ce soit. L'homme commence à se tourner le dos et il commence lentement à se regarder le nombril et il commence à réaliser que son nombril est beau. Alors qu'auparavant, l'homme ne regardait pas son nombril parce que, en regardant son nombril, il péchait par orgueil. Il péchait contre le pouvoir. Il péchait contre l'ordre établi. Et les hommes, à partir du moment où ils deviennent plus intelligents, dans ce sens qu'à partir du moment où les restreintes ont été éliminées par l'écœurement existentiel de l'homme, à ce moment-là, les hommes commencent à s'éveiller et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et c'est très bon que ça se passe dans le monde. C'est très bon aujourd'hui que les masses humaines, que les individus s'éveillent, que les hommes regardent autour d'eux et qu'ils réalisent que l'humanité évolutive à tous les niveaux, les pouvoirs à tous les niveaux n'ont pas délivré. Et les pouvoirs ne peuvent pas délivrer. Pourquoi? Parce que les pouvoirs ne sont pas du domaine de l'esprit. Ils sont du domaine de l'âme, ils font partie des forces incultes de l'homme, ils font partie des forces incultes de la société. Ils n'ont pas de lumière. Dans le pouvoir, il n'y a pas de lumière. Donc l'homme sera obligé, forcé, de ramener son regard vers lui-même. Il sera amené à vivre sa propre conscience. Il sera ramené à toucher ou à mettre le doigt sur sa propre intelligence. Et à ce moment-là, il y aura une division entre l'homme et la société. Mais ce ne sera pas une division évidente. Ce ne sera pas une division qui crée la révolution. Ce ne sera pas une division qui crée la réaction. Ce ne sera pas une division qui crée une forme ou autre d'éclat. Ce sera simplement l'ouverture de l'homme à lui-même. Ce sera l'anéantissement dans l'homme d'une sorte d'affection philosophique pour ce que l'involution a créé. Ce sera une désaffection totale de l'homme nouveau pour ce que l'homme ancien aura pensé. Ce sera le réveil total de l'homme, mais ce sera un réveil en douce qui sera en fonction simplement de l'intégration de l'individu. Il n'y aura pas de fanfare, il n'y aura pas de bruit dans le monde, il y aura simplement un éveil. Et cet éveil créera une nouvelle conscience. Et cette nouvelle conscience nourrira l'ancienne conscience. Et au cours de l'évolution, 21e siècle, 22e, 23e siècle, ainsi de suite, les peuples anciens, les races anciennes, les mémoires anciennes de l'humanité, les anciens systèmes de philosophie, de religion, d'ésotérisme ou d'occultisme seront amenés à une vitalité nouvelle parce que l'homme nouveau aura des pensées tellement créatives que ces pensées ne se penseront pas. Et comme elles ne se penseront pas, ces pensées, elles seront dotées d'une qualité d'infinitude. Le mental nouveau sera tellement infini dans sa capacité de répondre aux questions de l'humanité évolutive que l'homme ancien sera obligé de regarder ses réponses. Il sera obligé de goûter de ses réponses. Et l'énergie de ses réponses commencera lentement à alimenter les anciennes consciences, les anciennes races. Et il y aura avec le temps une alliance qui se formera. Une alliance qui deviendra de plus en plus occulte, mais il y aura toujours la séparation de la cinquième et de la sixième race racine, comme il y a eu la séparation de la quatrième et de la cinquième race racine. Et avec l'évolution de cette race racine, la cinquième disparaîtra, ce sera la sixième qui arrivera à sa fin. Ensuite, il y aura une septième race racine, ce sera la fin de l'évolution de l'humanité sur la Terre dans un corps matériel, ce sera le début de l'évolution jupitérienne, ce sera le début de l'utilisation du corps éthérique de l'homme, et nous passerons à une autre évolution totalement. Ce ne sera plus ce que nous avons connu. Ça pourrait être la fin avant la septième race, et on pourrait passer à une autre évolution, un nouveau ciel et une nouvelle terre, si on n'est pas capable de juguler les progrès de la science qu'on n'arrive pas à contrôler. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui traumatise le plus le monde, c'est la science, justement. Et toutes ces promesses qui ont été faites à partir du 19e siècle, début du 20e siècle, au niveau du progrès technologique, etc., là encore, on a livré la marchandise à moitié, mais avec tout son corollaire de pollution qui nous retombe aujourd'hui sur le nez. On le voit parfaitement ici aujourd'hui. On a deux salles à côté qui sont prises là par justement des gens qui ont ce problème-là avec la pollution sur la rive sud. Oui. Donc, il y a ces promesses, ce rêve américain, ça démarre toujours sur un rêve, ça finit dans un cauchemar. Il y a un problème certain au niveau de la science. Puis c'est la science qui arme le bras de l'homme. Et ce n'est pas elle qui va le désarmer. Oui, mais il y a une chose que l'homme... Comment est-ce qu'on va être capable de traverser ces années-là qui s'en viennent avec les progrès scientifiques incroyables qui se font aujourd'hui dans le monde et leur cortège de pollution qui suivront? Il y a une chose que l'homme ne sait pas. L'homme ne sait pas que la science sur la Terre, elle est contrôlée par les forces riemanniennes. La science sur la Terre est contrôlée par les forces riemanniennes. C'est difficile pour un être humain aujourd'hui, pour un homme normal, de comprendre la mécanique psychique de la pensée. Ceci fait partie de l'évolution de la psychologie de la conscience supramentale. Mais l'homme en arrivera un jour à connaître le mystère de la pensée. Et lorsque l'homme connaîtra le mystère de la pensée, il s'apercevra d'une chose. Que la pensée humaine peut se manifester sur deux plans à la fois. Elle peut se manifester sur un plan mental qui est pur, autrement dit totalement à l'extérieur de l'expérience de l'homme, et elle peut se manifester dans le cadre d'un mental inférieur, qui est un autre plan d'énergie, qui convient à l'expérience de l'homme, mais qui est sous-tendu par la mémoire de l'homme, consciente et subconsciente, donc un plan mental qui est affecté par ce que nous appelons l'âme. Et tant que l'homme ne connaîtra pas la mécanique occulte de son mental, il aura l'impression que tout ce qu'il crée dans le monde fait partie de la capacité créative de l'ego, et ceci est une illusion fondamentale. L'ego en lui-même, l'homme pensant en lui-même, est incapable de créativité. La seule raison pour laquelle l'homme est capable de créativité sur le plan mental, c'est que ses pensées sont ou ont un taux vibratoire suffisamment élevé pour lui donner l'impression qu'il est créatif, mais il n'est pas suffisamment élevé pour lui donner accès à la source de sa créativité. Donc, vous pouvez facilement avoir un scientifique qui travaille honnêtement dans un laboratoire dans le monde et qui est connecté inconsciemment aux forces riemanniennes. Les arimaniennes, c'est un doux euphémisme pour ne pas dire luciférienne ou satanique. Les forces arimaniennes sont des forces qui sont sous-jacentes à ce que nous appelons les forces luciférienne. Ce sont des forces qui s'occupent de la matière. Ce sont des forces qui s'occupent de l'évolution de la matière. Ce sont des forces qui s'occupent de la science et qui rendent la science tellement intéressante, tellement fascinante, que l'homme en devient avec le temps prisonnier. L'homme ne sera pas sur la Terre, un scientifique dans le sens cosmique du terme, tant qu'il n'aura pas suffisamment de lumière pour comprendre, connaître et reconnaître les conséquences scientifiques de son action ou les conséquences de son action scientifique. Un homme qui travaille avec le nucléaire, un homme qui travaille avec le biochimique, un homme qui travaille avec les codes génétiques et qui ne connaît pas les conséquences à long terme de son action, c'est un homme extrêmement dangereux. Mais dans le cadre de l'involution, ça fait partie de la façon dont se traite la science. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au 19e siècle. Au 19e siècle, les hommes de science ont eu de grands rêves. Ils ont été extrêmement alimenté sur le plan de l'intuition. Nous avons simplement à regarder le modèle atomique de Niels Bohr pour réaliser jusqu'à quel point des hommes ont découvert des moyens de modeler un plan atomique en fonction des rêves et des grandes intuitions nocturnes. Mais aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, alors que ces forces ont été lancées dans le monde, nous sommes devenus impuissants à arrêter la démangeaison qui en découle. Si nous regardons aujourd'hui au Brésil et que nous réalisons qu'à toutes les minutes, le Brésil détruit un acre de ses forêts vierges, c'est absolument abominable. Et s'il y a un homme dans le monde, ou un gouvernement dans le monde, ou un politicien dans le monde, ou un individu spirituel dans le monde, ou idéaliste dans le monde, qui a l'impression que nous pourrons arrêter ceci, il vit une illusion profonde. Les forces de l'involution sont régies par des puissances arimaniennes, sont régies par des puissances lucifériennes, pas dans le sens moral chrétien que nous connaissons, mais dans un sens extrêmement occulte, que nous expliquerons plus tard, et ces forces-là sont en puissance jusqu'à ce que l'homme passe à un autre temps. Donc, il ne s'agit pas pour l'homme d'avoir la moindre illusion qu'avec la fin du 20e siècle, le début du 21e siècle, les choses dans le monde vont bien aller. Il y a un âge d'or qui s'en vient, mais cet âge d'or ne fait aucunement partie des forces de l'évolution qui s'exécutent aujourd'hui et qui sont programmées planétairement pour s'exécuter au 21e siècle, 22e siècle, 23e siècle. Quand nous parlons de l'âge d'or, nous parlons de cette période où l'homme aura un mental supérieur, où l'homme entrera dans l'âge du mental, et où l'homme, à cause de sa nouvelle vibration, sera capable finalement de se libérer complètement de la puissance involutive de ses forces arimaniennes. C'est ça l'âge d'or. Donc, pour les hommes aujourd'hui qui sont dans le monde et qui font des recherches spirituelles, qui se lient avec des sectes religieuses ou des sectes ésotériques ou des sectes occultes, ceci fait partie de l'expérience de l'âme parce que ce sont des hommes qui ont une âme plus ou moins évoluée. Mais éventuellement, ces hommes seront obligés de réaliser que l'homme ne peut pas arriver à l'intégration de son énergie. Autrement dit, l'homme ne peut pas arriver à unir l'esprit, l'âme et l'ego tant qu'il ne s'est pas complètement dissocié des valeurs de l'évolution, qu'elles soient spirituelles, religieuses, ésotériques ou occultes. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est qu'il existe dans chaque être humain une possibilité, un potentiel de fusion. Ce potentiel de fusion fait partie du secret de la fusion et chaque homme en fusion dans l'avenir vivra le secret de sa fusion. Ceci veut dire que chaque homme, dans l'avenir, deviendra lui-même le facteur créatif de la fusion. Donc, tous ces facteurs créatifs dans le monde, venant de n'importe quelle nation, de n'importe quelle race, ces facteurs créatifs s'uniront et créeront sur la Terre une nouvelle synthèse, une nouvelle force créative, une nouvelle conscience qui, à un certain niveau d'évolution, pourra éclater dans le monde et nourrir les forces involutives qui seront à un point de désengagement et de désintégration tellement avancé que sans l'apparition d'une nouvelle race racine sur la Terre, ce sera la fin de l'humanité. Donc, ces lois, ce sont des lois qui sont absolues, ce sont des lois qui sont rigoureuses, ce sont des lois qui ne sont pas intéressantes, mais ce sont des lois qui sont extrêmement vitales. Donc, avec l'évolution de l'homme, avec l'évolution de la conscience, avec le partage de l'humanité sur le plan de l'intelligence, quand je parle de partage, je veux dire qu'il y a une masse d'hommes qui vivront le mouvement mécanique de l'intellect, ce qui donnera la science que nous avons et ses conséquences. Il y aura un autre groupe d'hommes qui vivra une science à un autre niveau, une science qui sera le produit de l'activité du cerveau éthérique et non pas du cerveau matériel, et cette science sera la science de l'avenir, et cette science deviendra tellement puissante qu'elle neutralisera complètement la science cartésienne mécanique qui est aujourd'hui suprême sur la Terre. Ceci fait partie des secrets de l'évolution, ceci fait partie des lois de l'évolution. Il y a une chose qui est très remarquable en ce qui concerne la vie sur une planète expérimentale, c'est que pendant qu'une humanité est en voie de découvrir son origine, elle est obligée de subir la perdition de la conscience animique de sa race. Autrement dit, alors que dans un mouvement d'évolution, une humanité est obligée de se perdre afin de se retrouver. Pourquoi elle est obligée de se perdre afin de se former? Pourquoi se former? Parce qu'elle a besoin de développer une conscience mentale suffisamment grande pour que l'ego prenne conscience de son origine. Aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, l'homme est suffisamment développé sur le plan mental pour que l'ego commence à s'interroger sur ses origines. Non pas d'une façon philosophique, religieuse, occulte, ésotérique, mais d'une façon totalement mentale. Qu'est-ce que ça veut dire? S'interroger sur ses origines, c'est être instantanément connecté à ses origines, contacté à ses origines, fusionné à ses origines. À partir du moment où l'homme sera fusionné à ses origines, il n'aura plus à subir l'interrogation de ses origines. Il n'aura qu'à simplement manifester son origine. Donc, il n'aura simplement qu'à créer. Donc, son origine, au lieu de devenir question, deviendra réponse. Donc, son origine, au lieu d'être une sorte de convention psychologique pour l'ego, deviendra une réponse de vie pour la race, pour l'homme et éventuellement pour l'humanité. Bon. Si j'ai bien compris, donc les deux paliers du mental, supérieur et inférieur, sont tous les deux utilisés. Donc la grande illusion à travers ceci, ce serait d'abord de prendre conscience que l'idée qui nous vient d'une invention, supposons un savant qui invente l'allumette, ça pénètre par son mental supérieur, et son mental inférieur va lui dire « mais dans le feu, dans la maison du voisin, dans l'humanité, ça se traduit de même ». Donc c'est d'abord la prise de conscience de cette utilisation des deux plans du mental, puis ensuite le contrôle de ceci. Comment peut se faire le contrôle? Parce que tout le monde pense, ça pense à tout le monde, personne n'a le contrôle de ses pensées, et n'importe qui peut demain vivre des niveaux d'insalubrité psychique ou mentale et finir comme criminel ou à l'asile, ou suicidaire. Puisque c'est toujours le même foyer d'infection au départ. Pour que l'homme contrôle les deux plans du mental, il faut que le plan inférieur soit conscient du plan supérieur. À partir du moment où l'homme réalisera, reconnaîtra dans sa propre expérience qu'il existe un autre plan dans sa conscience, qu'il existe un autre niveau dans son ego, qu'il existe un autre moi au-delà de son moi personnel, et qu'il peut communiquer avec ce moi, qu'il peut être en relation mentale avec ce moi, l'homme commencera lentement à prendre contrôle de ce mental. Mais ceci ne se fera pas facilement pour la simple raison qu'à partir du moment où le mental inférieur prend conscience d'un mental supérieur ou qu'il prend conscience d'une dimension psychique alliée à sa réalité, l'homme a tendance à s'énerver. Il a tendance à partir en peur. Il a tendance à se croire supérieur. Il a tendance à croire qu'il a découvert quelque chose. Il a tendance à croire qu'il est sur la bonne voie. Il a tendance, autrement dit, à polariser la valeur expérientielle de son mental qui s'éveille à un mental supérieur. Et c'est là qu'il fait les erreurs, c'est là que ses centres psychiques s'ouvrent, et c'est là que des entités entrent en jeu et commencent à le manipuler, et c'est là qu'il est amené petit à petit au fanatisme, à la folie, à l'autodestruction. Si pendant l'involution, j'aime beaucoup le concept de Freud, parce que Freud, quand il a parlé du subconscient, il a créé une zone tampon entre le mental inférieur et le mental supérieur. C'est ça le subconscient. Et cette zone tampon, c'était bien qu'il la découvre, bien qu'elle fût expliquée de façon extrêmement primitive. Mais c'était bien qu'il la découvre parce qu'elle a permis à l'homme de réaliser qu'au-delà de l'ego mental, il y avait l'ego subconscient, autrement dit l'ego, qui n'avait pas accès à une zone de pensée ou d'image qui faisait partie d'une mémoire grandiose. Alors que l'homme a commencé à prendre conscience de ceci, l'ego de l'homme moderne a pris conscience qu'il y avait en lui une ambivalence qui pouvait être traitée psychanalytiquement. Et ceci était bien, c'était le début de la psychanalyse. Mais nous avons arrêté là. Tous les psychologues dans le monde, tous les psychiatres dans le monde se sont arrêtés à la zone tampon. Et au lieu de passer du mental inférieur à la zone tampon au mental supérieur, ils sont demeurés dans l'étude symbolique de la zone tampon et ils n'ont pas pu découvrir l'origine, la fonction, la nature, l'intelligence, l'agressivité, le mensonge de la zone tampon. Donc, on n'a pas compris le rêve. On n'a pas compris le cauchemar. On n'a pas réalisé que le rêve est une forme de communication au niveau de la zone tampon, mais créé par l'esprit. Donc, dans le rêve, autrement dit, dans la zone tampon, il y a de la lumière et des ténèbres. Il y a une coexistence à la fois cosmique et planétaire. Un homme qui vit, qui rêve, qui connaît, qui vit au niveau du plan mental, connaît ses rêves, peut déchiffrer ses rêves et aller chercher dans ses rêves de l'information au-delà du symbole. Donc, les rêves sont créés par l'esprit, ils sont manipulés par l'âme et ils sont digérés par l'ego ou renvoyés par l'ego. Donc, l'homme moderne aujourd'hui est dans une position d'évolution qui lui permet de prendre conscience du mental inférieur, autrement dit ce que vous appelez le plan de l'intellect. Il a la capacité de réaliser la valeur des rêves et il devra demain prendre conscience du plan mental supérieur, c'est-à-dire l'origine de la pensée. Mais il y a un problème. Lorsque l'ego, qui est extrêmement conditionné, a une façon de penser qui lui est personnelle, à une façon de penser qui est égocentrique, à une façon de penser qui utilise le « je » pour universaliser l'ignorance de l'homme, ça devient extrêmement périlleux pour lui de commencer à vivre le « tu » impersonnel pour créer dans le « je » qui pense la conscience d'un « je » qui ne pense pas réellement mais qui reçoit l'information. Donc c'est extrêmement important pour l'évolution de la conscience humaine, de réaliser que le « je » dans le mental qui pense fait partie de l'inconscience planétaire de la conscience expérimentale, que le rêve est un niveau, une zone entre les deux, un placebo temporaire qui fait partie de la mémoire personnelle et universelle de l'humanité, qui maintient l'individu engagé dans un mouvement subtil d'information intuitée, mais qui ne lui donne pas accès à de l'intelligence, et un autre niveau qui est totalement mental, qui ne fait pas partie de l'expérience de l'homme, qui ne fait pas partie de la mémoire de l'homme, qui ne fait pas partie de la mémoire de l'humanité, qui est totalement cosmique, qui est sa source et qui doit un jour pénétrer la zone tampon, se fixer dans l'ego, former une fusion pour qu'il y ait esprit, âme et ego dans l'homme. Ça, c'est l'homme nouveau. À partir de ce moment-là, l'homme n'a plus de problème sur la Terre. Pourquoi? Parce qu'il comprend les lois de la vie, il comprend les lois de l'ego qui pense, il comprend les lois du rêve, il comprend les lois de la source de la pensée. Donc, il est totalement outillé pour universaliser sa conscience, c'est-à-dire donner à sa conscience mentale qui pense la qualité catégorielle et absolue d'un mental qui ne pense pas, mais qui reçoit de la pensée. Mais il n'en demeure pas moins que les forces ont toujours un avantage certain, les forces qui sont totalement hostiles à l'homme. C'est leur invisibilité totale. Ce n'est pas un problème, l'invisibilité. La raison pour laquelle l'homme souffre de l'invisibilité, c'est parce que l'homme n'a pas de communication avec son mental supérieur. Quand bien même il en aurait, elle demeure toujours invisible. Non, c'est pas la même chose. Si l'homme avait un contact avec son mental supérieur, le problème d'invisibilité n'existerait plus pour la simple raison que le contact sur le plan mental supérieur, il auto-suggère sa réalité. C'est-à-dire que le mental du double, ce que j'appelle le double, la connexion avec l'esprit, la connexion avec la source, la connexion avec le moi universel, automatiquement auto-définit la réalité de l'homme. Donc, il auto-définit le rapport entre l'homme dans la matière avec l'homme dans l'invisible. Il auto-définit l'invisible. C'est absolument impossible pour un homme qui est conscient de ne pas connaître les lois de l'invisible. L'homme n'a pas besoin d'aller dans l'invisible pour connaître les lois de l'invisible. Il a simplement à communiquer avec le double. L'homme n'a pas besoin d'aller à New York pour connaître New York. Il a simplement à parler avec quelqu'un sur une ligne téléphonique. Donc, la communication avec le double, c'est une communication radiophonique. C'est une communication qui permet à l'homme de connaître les lois de l'invisible pendant qu'il est dans la matière. Ça permet à l'homme de se rapprocher psychiquement de l'invisible au fur et à mesure que s'ajuste son mental. Et c'est une affaire d'évolution, c'est une affaire d'ajustement de ses corps pour en arriver un jour de passer du plan matériel au plan éthérique au plan astral. Oui, bon. Donc, l'invisibilité, ce n'est pas un problème. Vous savez comme moi que les forces qui sont en communication, qui sont hostiles à l'homme, vont jamais dire « je suis ton double hein? » ou elles vont pas dire non plus « je suis Satan » ou une forme arimanienne. Non. Elles vont commencer à établir un petit dialogue, à donner une espèce de préscience, de voyance à la personne. Ils vont commencer à donner des consultations, faire voir à ses amis qu'elle pressent l'avenir, etc. Puis petit à petit, ça va lui dire « je suis ton double ». Mais il y a encore une fois aucune garantie à ce niveau-là. Je connais du monde qui sont en contact avec leur double, mais je sais que d'ici un an ou deux, ils vont finir à l'asile. Oui, très juste. Pourquoi? Puis il n'y a pas besoin d'être clairvoyant ou extra-lucide. Pourquoi? Parce que l'homme ne connaît pas les lois du mensonge. Bon, ben, l'homme ne connaît pas les lois du mensonge cosmique. L'homme ne connaît pas les lois de l'invisible. L'homme ne connaît pas les lois du mental. Aussitôt, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, aussitôt que l'homme commence à à entrer dans un domaine. Il y a toujours confiance, l'homme. Il a toujours confiance. L'homme ne doit jamais avoir confiance. L'homme a été conditionné à avoir confiance pendant des millénaires. On dit qu'on juge l'arbre à ses fruits, bien, ces gens-là vont payer le prix, la facture des fruits qu'ils vont récolter, avant de savoir si en fait ils étaient connectés avec quelque chose d'intelligent ou de totalement ratoureux, joueur de tour. Oui, mais l'homme est un être naïf. Regardez. Oui, mais qui s'aventure loin sur la branche pour aller cueillir un fruit qui est souvent véreux. Effectivement, parce que l'homme veut découvrir quelque chose. Mais prenons un plan de la conscience humaine. Prenons le plan de ce que nous appelons d'une façon très large, la conscience spirituelle de l'homme. La conscience spirituelle de l'homme a été essentielle pendant l'évolution. Elle a permis l'homme de ne pas dépérir. Elle a donné à l'homme du courage. Vous savez qu'il y a, une très grande différence entre les dangers d'une religion et les dangers d'une science occulte. Dans les excès, il y a toujours les mêmes dangers. Oui, mais je ne parle pas des excès, je parle simplement d'une religion bien vécue. Si nous prenons, par exemple, un homme qui est bon chrétien, bon juif, bon bouddhiste, bon ci, bon ça, un type, là, des gens normaux, ces gens-là ne vivent pas le danger de la religion parce que la religion n'est pas occulte. La religion, elle est basée sur des canons. Elle est basée sur une foi, disons la religion catholique. Donc, la religion chrétienne, pour l'homme de l'évolution, c'est une religion qui n'est pas dangereuse pour l'homme parce que elle est bonne sur le plan moral. Mais à partir du moment où l'homme sort de la religion, qu'il devient marginal et qu'il commence à étudier les sciences occultes, les sciences ésotériques, c'est fini pour lui la religion. Mais l'aventure qui commence. C'est l'aventure qui commence. On partit, le lunch au deuxième étage ou au sous-sol. Ce qui se produit, c'est qu'à partir de ce moment-là, le bonhomme qui était chrétien et qui s'en va dans l'occultisme, il vit quoi dans l'occultisme? Il va vivre les préceptes de sa chrétienté. Autrement dit, il aura dans sa conscience, dans sa mémoire, tous les concepts qui lui auront été donnés pendant son expérience chrétienne. Il se soumet à la tentation. Donc, à ce moment-là, les forces astrales vont utiliser ce matériel contre lui. Évidemment. Quand nous entendons, par exemple, dans les cas psychiatriques ou les cas cliniques, des individus qui se sont intéressés aux sciences occultes et qui, un jour, ont entendu une voix dans leur tête leur dire « Moi, je suis le Christ, tu dois faire telle chose ». Et nous voyons qu'après un certain temps, le type commet une erreur civile très grave, tue quelqu'un, détruit quelque chose, et arrive devant le psychiatre, il dit au psychiatre, c'est le Christ qui me l'a dit. Effectivement, le type est arrivé à un niveau d'aliénation très avancé. Mais, ce que je veux dire, c'est que l'homme, il est mieux pour l'homme de demeurer à l'intérieur de la religion que de s'aventurer stupidement dans l'occultisme. C'est ça que je veux dire. Laissez-moi finir, parce que c'est très important. C'est plus important pour l'homme de demeurer à l'intérieur de ses religions, parce qu'il est protégé dans ses religions par un canonisme historique qui convient psychologiquement à son humanité, à sa race, à sa façon de penser. Mais si l'homme commence à entrer dans des domaines occultes, ésotériques, qui sont de plus en plus manipulés par les forces astrales, qui sont de plus en plus assujettis à des contrôles pernicieux que l'homme aujourd'hui ne réalise pas. Il est en plus grand danger demain, dans son étude occulte de la vie, qu'il était avant dans son étude spirituelle et chrétienne de la vie. C'est ça le message que je veux dire. C'est ça que je veux faire comprendre. Si vous êtes bon chrétien, que vous allez à la messe le dimanche et que vous êtes bien là-dedans, vous êtes mieux là-dedans, que si vous vous aventurez dans l'étude des sciences occultes, si vous vous aventurez à vous lier à des sectes occultes qui, dans leur manière de vivre, ont de très bonnes intentions, mais qui ne connaissent pas les lois de l'invisible, qui ne connaissent pas les lois...